Ringu na palcach, to chuj się nie gramy, po budziach do tańca, to chuj się walimy. Halba, a nie drinki, że mamy ciary i znamy wszystkie cichy. Salut à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode de l'Ouest Rien de Nouveau, je reçois Marta Martignac, autrice du livre Transnational Punk Communities in Poland, From Nihilism to Nothing Outside Punk, qui est donc sur la scène Oi et punk polonaise. Bonjour Marta. Bonjour Suri. Ça va? Ça va, et toi? Ça va bien, merci. Super, bah écoute, donc tu nous as préparé une petite playlist de Derrière les fagots, hein. Et aujourd'hui on va commencer donc avec la première partie. Je te laisse présenter le premier titre, vas-y. Alors, le premier groupe que je choisis, c'est Deserter. Beaucoup de monde le connaît, si vous connaissez le punk polonais, j'en suis sûre. Alors, ce morceau particulier s'appelle « La première fois ». Il parle de la première fois qu'une personne abat un animal dans un abattoir. Et comment la première fois la main tremble, ça vous fait vomir, vous vous sentez mal et tout ça. Mais c'est la première fois seulement, puisque dans un abattoir, le temps de doute passe très vite. On ne pense pas, on tue. Chaque fois que Deserter joue ce morceau live, c'est tellement fort que j'ai des frissons. Ouais, donc c'est un morceau qui a vraiment qui est fort pour toi, quoi, hein, qui a une signification spéciale, quoi. Mm-hmm. Patrzę głosi szybkomia. Nie ma miejsca na myślenie, bo tu się nie myśli, tylko zabija. Voilà, c'était Déserteur avec Pierre Cheyras. J'espère que je n'ai pas trop massacré le titre. Non, c'est correct. Et donc, on va aller vers la Silésie, c'est ça? Oui, tout à fait. Bulbulator, c'est un groupe de la Haute-Silésie. Les membres de ce groupe viennent de différentes villes dans cette région. Par exemple, Jastrzębie-Zdrój, Czerwionka, ou par le passé aussi Gliwice. Alors, Tychy. Alors, ce morceau est très ancien. C'est de leur premier album qui a été récemment sorti une nouvelle fois sur un 33 par le label Enigmatic, qui a sorti cet album sur une cassette en 2000, en l'année 2000. Il s'appelle « Je ne comprends pas ». Et les paroles sont très simples, mais très drôles et chouettes. Dans ce morceau, on énumère tout simplement toutes les choses étranges et amusantes qu'on ne comprend pas. Par exemple, pourquoi Bulbulator joue pour vous? Ou pourquoi l'évêque a-t-il six fils? Ça, c'est encore. Pas mal. Oui. C'est un clin d'œil par rapport à l'Église catholique en Pologne. Ou encore, pourquoi l'orgasme ne dure qu'un moment? Très bonne question aussi. Voilà, c'était Bulbulator avec Nie Rozumiem Tego. Oui, exactement. Donc, et maintenant, on va passer à Sex Bomba. Vas-y, parle-nous de ce groupe. Alors, Sex Bomba est un groupe qui vient de Legionowo, c'est très près de Varsovie. Alors, il s'agit ici d'un morceau qui a été enregistré en 2011. Par le chanteur de groupes différents, avec la participation de tous les membres du groupe Sex Bomba. Il s'appelle Rasprzeżyty dzień, ce qui veut dire une journée, une fois, j'ai oublié, une journée, une fois vécue. Ok, une journée qu'on ne vit qu'une fois. Oui. Ouais. Ce que je voudrais dire à propos de ce morceau, c'est que les personnes qui ont participé à ce projet, ce sont par exemple Chichka du groupe KSU. C'est un groupe très important Ouais. dans l'histoire du punk polonais. Ouais, on en Tu a la déjà connais? beaucoup joué. Ah oui, j'aime beaucoup au KSO. Ok. Encore, il y avait Zigzag de TZN Xenna. Un autre personnage très, très important dans l'histoire du punk polonais dans les années 80. Marek Wiernik, qui était un personnage aussi important, mais il n'était pas membre d'un groupe. Il avait un programme dans la radio publique en Pologne, dans lequel il a diffusé de la musique punk dans les années 80. Du punk polonais ainsi que du punk de l'Ouest. Alors, ce personnage était vraiment, je dois le dire, très important pour l'audience polonaise dans les années 80 où la circulation de disques n'était pas, les disques n'étaient pas disponibles, Ouais. si je peux le dire, oui. OK, alors un petit extrait de parole de ce morceau. Un jour qu'on a vécu une fois déjà ne revient jamais. J'ai quelques bouteilles de vin. Le monde, c'est punk rock et buvons à ça. Il se peut qu'un jour la vie vous attire comme le pogo. Une version carpe diem punk polonaise, quoi. Oui, quelque chose comme ça. Szkoła, praca, dom, ekran do snu. Raz przeżyty dzień nie wraca już. Wdycham każdy dzień i każdą noc. Jeżdżam na czerwone światło stop. Musi jeszcze minąć jakiś czas, zanim zauważysz to. Mam kilka win, otwieram je. Świat jest pankrokiem, za to napijemy się. Może być tak, któregoś dnia, że życie samo bez pytania wciągnie nas jak wodą. Spotkaj mnie pod blokiem, spotkaj mnie. Tutaj cały świat zaczyna się. Możesz w to uwierzyć albo nie, ale to realnie dzieje się. Musi pewnie minąć jakiś czas, zanim zauważysz to. Mam kilka win, otwieram je. Świat jest pankrokiem, za to napijemy się. Może być tak, któregoś dnia, że życie samo bez pytania ciągnie nas jak pogoń. Więcej już nie obchodzi mnie, nie obchodzi mnie nic. Więcej już nie obchodzi mnie, nie obchodzi mnie nic. Więcej już nie obchodzi mnie, nic nie obchodzi mnie. Więcej już nie obchodzi mnie, nic nie obchodzi mnie. Mam kilka win, otwieram je. Świat jest pankrokiem, za to napijemy się. Może być tak, któregoś dnia, że życie samo bez pytania wciągnie nas jak wodą. Raz przeżyty dzień nie wraca już. kilka win. Otwieram je. Świat jest pankrokiem, za to napijemy się. Może być tak, któregoś dnia, że życie samo bez pytania wciągnie nas jak pogo. Donc c'était Raz Pierwszy Dzień. Oula, alors ça c'était un peu plus compliqué pour moi à prononcer, je dois dire, de Sex Bomba. Oui. Ensuite, écoute, tu nous as préparé quoi alors? Ensuite, je préparais deux morceaux du groupe qui vient de Varsovie, Warsaw Dolls, que j'aimais beaucoup. Malheureusement, il ne joue plus. Le premier morceau s'appelle Zrubme Disorder, cela veut dire faisons du désordre. Et ce morceau célèbre et vante la vie des punks qui font partie de la même équipe. Le chanteur ici chante du Unity, ce concept, des amusements communs qu'on partage dans un groupe d'amis. Par exemple, on peut courir les rues, se battre, tirer la bouteille contre la voiture de la police, se faire teindre les cheveux, etc. C'est un amour, une révolte et une scène. Faisons du désordre. Bon programme. Le morceau que tu as choisi, c'est lequel? Le deuxième morceau, je vous l'ai dit, c'est... il parle de la ville de Varsovie. Le titre, c'est Warsaw, miasto punków. Cela veut dire tout simplement Varsovie, la ville de punks. Ça parle de la Varsovie, bien sûr. Le chanteur dit que ce n'est pas la ville de Chopin, le compositeur de la musique classique Chopin, Frédéric Chopin. Ce n'est pas une ville qui appartient aux touristes ou au gouvernement, mais c'est notre ville, la ville de punks. Quand on court la rue, tout le monde a peur de nous. On va prendre, conquérir un bar. Alors, chantons tous ensemble au Yapi, à ces femmes qui vendent de la viande dans la boucherie, à tous ceux qui osent nous interdire des choses, fuck off. Alors, nous allons traîner environ le Palais Royal, qui se trouve dans le centre de la ville, à Varsovie. Il dit dans cette chanson, c'est un monument qui a à peine 30 ans. On va écouter la sirène de Varsovie qui séduit le touriste en chantant avec sa voix douce, mais uniquement des morceaux punk 7-7. Czy nie sądzisz, że to złe i głupie walczyć z tobą, ja, my, oni, wy? Czy nie lepiej seksu prawie w grupie jedna scena? Chcę pokazać światu wraz. Czasem jeszcze kilka osób. Przecież też lubimy chlać i farbować sobie włosy. Zróbmy disorder once again. Zróbmy disorder once again. Zróbmy disorder once again. Zróbmy disorder once again. Lubisz poszaleńczej nocy policyjnych syren, rzeźki dźwięk. Chłopakami z obydwu stron mocy na przedmieściach klubie bawić się. Dobrze znasz następny ruch. Let's get a little bit spicier. Jedna miłość, jeden bunt. Świat już czeka na ten bajzel. Zróbmy disorder once again. Zróbmy disorder once again. Once again. pocałunek, piwo, szlugę. Zanim nuda nas dopadnie, na pancernych szybach sok, szkło rozbija się tak ładnie. Drop me disorder, one second. Drop me disorder, one second. Sobota, więc ma być fajnie. Zgadnij, na co nas stać tej nocy. Popatrz na ten balansztajnie. Tak energia może wstrzymać czas. Jeśli czujesz we krwi ten przekaz, chodź rozkołysać tym miastem. Przeszkotuj swym tłustym bliktrem. Z tobą pokaż gaztek. Warsaw, miasto parków. Nie Moniuszki, nie Chopina, nie. Rządu, nie turystów, nie. Krzyża, nie jazzu, nie. Odłów się naszych pląsów, rzeźby zwiewają sokołów. Też nie chcemy dni chaosu, wyruszamy zdobyć jakiś bar. Na pokalach się perli browar, pora zerwać norm kajdanki. Cześć plakaty miejskich radnych, klucz na galerianki. Warsaw, miasto parków. Nie Moniuszki, nie Chopina, nie. Rządu, nie turystów, nie. Krzyża, nie jazzu, nie. Piszonom, wąsom, klechom, psom, kanarom, babom z mięsnych urzędasom, pojebańcom, wszystkim tym, co ośmielają się zabraniać. Zaśpiewajmy razem głośno, spierdalać! Też ustawimy się pod zamkiem, pod zabytkiem sprzed lat 30. Kilka kwiatka za przystankiem, rajon eksploduje co 5 dni. Tu syrena przyjezdnych mami, słodkim, złotołuskim śpiewem. Mam repertuarze same, hity 7-7. Warsaw, miasto parków. Nie Moniuszki, nie Chopina, nie. Rządu, nie turystów, nie. Krzyża, nie jazzu, nie. Nie, nie, nie mena. Warsaw, miasto punków. Warsaw, miasto punków. Warsaw, miasto punków. Voilà, donc c'était Warsaw Dolls avec deux morceaux. Waouh, alors comment on prononce ce premier mot là, parce que pour moi là c'est Zrupme Disorder et Warsaw Miasto Punkov. Oui. C'est ça. Il y a des fois, j'avoue, là, les successions de consonnes pour les Français, c'est quand même compliqué. Très difficile, oui. Ouais. Ensuite, par où est-ce qu'on va alors? Ah ben, on retourne en Silésie, écoute. Oui, exactement. Alors, on a le groupe Ventacamanda, qui est un groupe relativement neuf. Je voudrais introduire ce groupe à l'audience ici, puisque c'est un groupe très intéressant qui joue du post-punk ou de cold wave, on peut dire. C'est vraiment très cool. Je les ai vus récemment en concert. C'était vraiment top. Ils jouent beaucoup partout dans la Haute-Silésie ces dernières semaines. Dans ce morceau particulier qui s'appelle Wszystkie modlitwy świata, ce morceau est sorti l'année dernière. Cela veut dire toutes les prières du monde entier. Ce morceau particulier a des paroles très intéressantes, puisque l'auteur de ces paroles, c'est Arek Bąk, qui a joué dans les années 90 avec Profanacja. Peut-être quelqu'un connaît ce groupe, Oui. c'était assez connu Oui. à cette époque-là. Et il est très contre l'Église catholique. Il a même. Je ne sais pas si en français c'est la même chose, mais connaissez-vous le concept de l'apostasie? Alors, il a fait cela. Ouais, OK, C'est il s'est une. fait débaptiser, c'est ça? Oui, quelque chose comme ça. Il se désinscrit complètement Voilà, de l'Église catholique. bien Oui. vu. Alors, les paroles de ce morceau. Il y a un ange automatique dans l'écouteur de votre téléphone qui vous dit « Dieu n'est pas là, tu peux enregistrer un message. » Les gens sont tout seuls, toutes les prières du monde entier flétrissent sans être écoutées. Tu te débrouilles tout seul pour tous les siècles. Amen. Wieków, amen. Na wieki wieków. Ogona tych trzy anioł. c'est Venta Quemada. Le titre va encore être sympathique pour moi à prononcer. Wszystkie modlitwy świata. Ouais, merci. ensuite, on va avoir un truc un petit peu plus léger apparemment, hein. Oui, oui, très léger, on peut dire. C'est Stan Zvezda, un groupe assez ancien. Le morceau s'appelle « Idem po ulicy », cela veut dire « Je marche dans la rue ». Selon le site Discogs.com, qui est un site assez, on peut dire, populaire pour les informations sur le groupe. C'était le premier groupe Psychobilly en Pologne, Stan Zvezda. Ils ont commencé à jouer dans les années 80, mais le seul album de ce groupe est sorti en 2003. Alors, ils ont connu quelque chose comme une renaissance, on peut dire, à cette époque-là. C'est mon morceau préféré de cet album. Il parle tout simplement du sentiment que l'on a lorsque l'on se promène dans la rue. On se sent bien et fort. Nos chaussures noires tapent le rythme du rock and roll et tout le monde s'en va lorsqu'on s'approche. Stan Zvezda avec Idem po ulicy. Mm-hmm. J'espère que vous avez aimé ce morceau. En plus, je pense que ça doit être un des premiers dans ce genre en fait, de jouer du psychobilly. Je pense qu'on n'a pas dû en jouer des masses encore. Ah oui, okay. Peut-être un ou deux trucs, mais c'est vrai que là-dessus, c'est encore assez rare. Moi, j'adore le psychobilly. Ouais, il y a beaucoup de trucs que j'aime bien aussi. Ensuite, par où est-ce qu'on va? Dis-nous tout. On va à l'ouest de la Pologne avec le groupe Gaga Zielone Żabki. C'est un nom qui est composé de deux noms parce que ce groupe a commencé à jouer dans les années 80, il s'appelait Zielone Żabki. Cela veut dire the green frogs, les grenouilles vertes. Oui. ils ont gagné le fameux concours de jeunes groupes au festival de Jarocin en 1988. Ensuite, ce groupe s'est reformé et il s'appelle désormais Gaga / Zielone Żabki. En tant que Gaga, ils ont joué à Jarocin une deuxième fois en 1992. Et c'était un concert plutôt légendaire parce qu'il a été diffusé par la télévision polonaise live, sans censure. Ouh, alors, c'était très innovatifs, je peux dire. Ils ont utilisé quelques mots vulgaires aussi sur scène. Oh, je me demande bien lesquels, tiens. Il faut regarder. C'est sur YouTube. Tu peux trouver sur YouTube, c'est environ 20 minutes. Bah, dis-nous, il y a au moins un courva, quoi. Oui, Ah bien sûr, c'est ça. Mais aussi, les paroles étaient très directes. Ils parlent d'un problème assez sérieux. Alors, sans censure, on peut dire. Ok, je voulais vous dire que le morceau que j'ai choisi de ce groupe, c'est un morceau assez récent qui s'appelle La Révolution de la Conscience. Il est sorti sur un album en 2009. Je pense qu'il vous donnera une bonne idée de ce que ce groupe normalement vous propose live actuellement. Il parle d'une révolution qui devrait se produire, qu'on doit coopérer pour sauver la Terre, que lutter entre nous n'a pas du sens, qu'en fait, vraiment beaucoup dépend de nos actions personnelles. Cela, ça parle beaucoup à moi, personnellement. Cela comprend une réflexion sur le futur concernant le sort qui attend, nos enfants, qui devront peut-être vivre dans un désert si on ne fait rien Oui, aujourd'hui. c'est vrai qu'on est plutôt mal parti là, hein? C'était Gaga Zielone Żabki avec Revolucja Świadomości. Bon, sur cette petite note qui espère qu'on se bougera tous le cul et que ça ira mieux, on va finir ce premier épisode. Et bah, de toute manière, on revient la semaine prochaine avec un deuxième épisode avec ta playlist. Merci énormément à toi, Martin. Merci à toi, Suri. C'est toujours un plaisir de parler à toi. Du punk polonais. Et de toute manière, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, et restez à l'écoute de Droogies et au prochain épisode.